akamatanga ndambo ya motema akende kobomba na ya musoko. Les années sont passées, mille pluies sont tombées, mille soleils ont brillé, mon cœur n'a pas changé. Les années sont passées, mille pluies sont tombées, mille soleils ont brillé, mon cœur n'a pas changé. Amina, mon amour. manama. Sangare.